Bonjour et bonjour tout le monde, bienvenue sur Ilargui, bienvenue tout le monde. Vous êtes sur Badum 03, voilà, je vais réexpliquer un petit peu le concept. Ici on compose en moins de 3 heures, j'y arrive toujours pas, en moins de 3 heures, un morceau tous les lundis et tous les mercredis à 10h du matin avec des contraintes à la con. Vous voyez, une contrainte d'accord, une contrainte technique et une contrainte de contexte qu'on tire au sort à chaque début de stream. Salut Seb, est-ce que ça va? Avant de commencer, j'aimerais remercier Flobo72 et Sneu qui se sont abonnés hier. Bonjour Gwen. Et surtout, Loin du Ciel qui streamait hier du piano, des impros et piano. Je crois qu'il fait ça tous les mardis et jeudis de 10 à midi, non, de 9h à midi à 11h. Oula, de 9h à 11h. Voilà, c'est la première fois que j'ai le truc dans les oreilles. Merci beaucoup, ConnectDM. Pour m'avoir suivi, ça y est, j'ai enfin réglé le problème de son. Je reçois enfin le son de l'ordi de stream. Donc je disais, oui, Loin du Ciel qui m'a gentiment fait de la pub sur sa chaîne. Et du coup, allez voir, voilà, c'est du piano. Oula, dis donc. Pour Post Fulment qui vient nous suivre aussi, trop cool, super content, merci beaucoup tout le monde d'être là pour ce petit stream composition à la con. C'est le quatrième, c'est pour ça que j'ai gardé encore le nom pilote. On est encore en train de voir qu'est-ce qu'on fait exactement, tout ça. Aujourd'hui, ça devrait être le dernier, et à partir de la semaine prochaine, on va vraiment attaquer les vrais épisodes. Bon, ça va rien changer à part le nom. Et qu'est-ce qui se passe? That's still a guy. Silent Loft. Why go the podcaster junior? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui me suivent. D'un coup. D'accord, pourquoi pas, c'est Sarah Starkiller 3PC, Artful Bunker, d'accord, Rosas 13, X avec 3 I, ça fait 13, Roxas 16, je crois que j'en ai oublié, Infatu Aklim, Artful Bender, j'ai payé une pub Insta, c'est pour ça, ça va être pour ça. Who Goes There Podcast G1, Silent Loft, Mia Im de Depi, Gwick Grinder Ripped. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a plein. Ah, il aimait au fur et à mesure, c'est pour ça, je pense. Tout le monde sait que c'est connecté en même temps, c'est bizarre quand même, hein. Gwen, si tu peux checker ça quand même. En tout cas, si vous n'êtes pas des bots, ben bienvenue. Voilà, vous pouvez discuter dans le chat tranquillement avec nous pour essayer de trouver essayer de composer ces chansons à la con. Voilà. Décidément. Souvent j'ai tout su, mais du coup c'est le... il est même après l'autre seulement les alertes. C'est bon. Voilà. Et on a, il y en a encore deux normalement. Et non. Voilà. Très bien. 28 followers, on est passé de 15 à 28. tant mieux. Si vous êtes des vrais gens, parlez dans le chat. Sinon, c'est quand même un peu suspect. On va pas se mentir. En tout cas, nous, on va faire notre petite émission. Voilà. Vous voyez, on a 3 heures pour composer des morceaux à la con avec tout ça. Comme contrainte. Les chansons qu'on a fait jusqu'ici sont déjà sur Spotify, en tout cas sur les autres je suis pas encore sûr, mais petit à petit il y a tous les morceaux qui vont se bader. Obligatoride Toridi, merci beaucoup. Toutes les chansons sont sur toutes les plateformes a priori, où elles vont arriver dans peu de temps. En tout cas aujourd'hui on va voir sur quoi on tombe. On va commencer par les accords. Vous voyez ici, il y a accords, je ne sais pas, hop, comme ça. Je mélange bien pour que les huissiers plus ne pas dire que j'ai triché. Et les accords, ça sera ça. Évidemment, je vais vous les jouer avant de... Je vais vous les jouer avant de voir. Alors, c'est Mathilde Viala qui m'a proposé ces accords-là, qui est une excellente clavériste, une excellente chanteuse. Et elle est guitariste aussi, voilà, qui est intermittente du spectacle. Donc, si jamais vous avez envie de... vous avez un groupe, vous cherchez une musicienne professionnelle pour jouer avec vous, une claviériste en particulier, ou même une synthétiseuse. Maclist 7. Bienvenue tout le monde. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? Ou est-ce que c'est pas juste une espèce d'énorme raid de robots? Et si c'est un énorme raid de robots, c'est-à-dire que... il va falloir que je fasse attention à tout ça. Vous entendez Billy? Je viens de voir, il y a les deux premiers morceaux sur Apple Music. Super. Sur Spotify, il y a là aussi le troisième, celui qu'on a fait lundi dernier. Spotify va vite. C'est YouTube Music qui va très très vite. Généralement, on est quatre en ligne. Ouais, bon, bah, je pense que tout ça, c'est de la robotique. Va falloir que je check tout ça. Donc Mathilde qui propose Do, La dièse, Sol dièse, ce qui nous donnerait quelque chose comme ça. Hop, je vais les marquer. Contrainte 1. Donc nous avons Do tiré La dièse. Et pourquoi il n'y avait pas... Ah, parce que je ne suis pas sur le bon, évidemment. Do tiré La dièse et Sol dièse. Voilà, alors évidemment, quand moi je les écris les trucs, je fais gaffe à ce que ça marche sur 4. Parfois, mes copains, copines me donnent seulement ça et ça me demande de me débrouiller. Est-ce qu'on fait plutôt quelque chose comme ça? 2, 3, 4, 1, 2. C'est-à-dire, on double le premier accord, on peut aussi doubler le dernier. On peut essayer de doubler celui du milieu. Truc comme ça, quoi. Donc ça, c'est les accords de Mathilde. Merci beaucoup, Mathilde. On va passer à la contrainte de technique. Alors, comme c'est le nom l'indique, il va falloir que j'utilise une technique particulière. Et cette fois-ci... Cette fois-ci, on aura une rythmique irrégulière. Bah, ça tombe bien parce qu'on a des trucs un peu chelous. Rythmique irrégulière, c'est-à-dire que ça ne sera pas soit la valse classique, le 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça, c'est une valse. On n'aura pas non plus le 4, 4 classique, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, qui revient généralement sur tous les trucs rock, pop, tout ça. C'est un peu un classique. Oh, de la musique maintenant. Et pour le contexte, c'est-à-dire le thème, je vais vous donner un petit peu le style de musique qu'on va faire. 6-8 par exemple, aussi, oui, on va voir c'est quoi le mieux. Et ça va dépendre beaucoup du contexte. Hop. Mais avant de voir le contexte, je vais. Qu'est-ce que j'ai mis? Rythmique irrégulière, c'est ça? Rythmique irrégulière, alors. Hop, et pour le contexte, ça sera, il est là, le contexte, entrée atmosphérique du vaisseau alien. Entrée atmosphérique du vaisseau alien, donc on va faire un truc assez massif, je pense, voilà, imaginez Independence Day et tout comme ça. Entrée atmosphérique du vaisseau alien. Enfin, quelque chose où on pourra foutre des grosses nappes de synthé, quoi. Surtout ça. Ça tient. Je te laisse deviner qui a proposé ce contexte. C'est peut-être moi. Peut-être éventuellement. Je vais couper la musique. Entrée atmosphérique du vaisseau alien, ça rentre même pas dans le cadre, c'est pas grave, vous l'avez. Entrée atmosphérique du vaisseau alien avec, je rappelle ces accords-là. Alors, Do, La dièse, Sol dièse. Je crois que ma face pour ça. Do. La dièse. Sol dièse. Do. Mais comme il faut une rythmique particulière, eh ben, c'est parti. On va attaquer tout de suite le compteur. Ça y est, 3 heures pour composer ce morceau. Qu'est-ce que ça va donner? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Déjà sur Ableton, si je me mettais un truc un peu 7-4, qu'est-ce que ça donne? 7-4, on va mettre un tempo un peu lent quand même. On va voir comment il est. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Il joue celui-là. En 7, 4 pourtant, d'accord. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4. C'est bien ça. 7, 8, 9, 10, 11. Donc c'est bien, vous le voyez là un petit peu peut-être dans le... Il y a une toute petite coupure ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça ferait 4, 5, 6, 7. Il est sur celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Ou je peux faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 1, 2. Il faut un truc un peu plus lent, quoi. Un peu plus lent pour que ça prenne un peu plus d'ampleur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12, 13. Peut-être bien faire durer le dernier. Celui-là, il est bien. Si on fait 3 et 3, plutôt 2 et 2, 2 et 2, 4 et 3. 1. Mais en le doublant pour que ce soit un peu plus lent, que ce soit comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comme ça, c'est pas mal, je trouve. Donc on va essayer de trouver. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 1. On va se mettre un petit synthé ici. Il y a déjà un synthé, donc on va voir comment ça va donner. Et donc, on va faire 4, 4, et 6. Ce qui va donner du 14, mais ça marche avec le 7. En double seulement, ça reste une rythmique particulière. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Do. Do, do, do. Hop. Je vais vous montrer ce que je fais. Do, comme d'habitude. C'est un Do majeur. Donc, on prend un fondamental, c'est Do. On fait plus 4 pour avoir le majeur. 1, 2, 3, 4. À partir de là, plus 3 pour avoir le mineur. Pour avoir la quinte. 1, 2, 3, Ensuite, nous avons la dièse majeure toujours. Donc la dièse, on monte sur, on descend sur la dièse. Voilà, il fait le même temps, on l'a dit, et on finit par sol dièse, sol c'est G. Il est un peu haut, donc on va être un peu plus bas. Sol dièse, et on va le faire finir jusqu'au bout. Ça donne. Et j'ai envie d'encore le doubler pour que ce soit encore plus massif. Quelque chose comme ça. Voilà. Si je fais ça, il se passe quoi? Parce que c'est un vaisseau spatial massif qui entre, tout ça. Comme ça, c'est pas mal. C'est pas mal pour la base. Pour la petite base. Rythmique irrégulière, on l'a, les accords, on les a. Entrée atmosphérique du vaisseau alien. Donc, faudrait un truc. Voilà, on va partir sur un truc un peu cinéma, hein, c'est-à-dire un commencement très, très sourd, très bas. Et puis, on va faire monter jusqu'à ce que le vaisseau explose. Hop, Billy, je le garde de côté, histoire de. Les aliens, ils sont gentils ou méchants? C'est une bonne question. Est-ce que les aliens, ils sont gentils ou méchants? Ça, on s'en fout un peu, mais est-ce que nous, on a peur d'eux, ou est-ce que c'est plutôt un truc, waouh, c'est magnifique? Ça, je vous laisse choisir. Je vais essayer, est-ce que c'est une entrée atmosphérique menaçante, ou est-ce que c'est une entrée atmosphérique plutôt, plutôt magnifique, quelque chose de waouh, les aliens sont là, ils vont enfin révolutionner pour régler tous nos problèmes, c'est magnifique tout ça. Qu'est-ce que vous en dites? Plutôt des méchants ou plutôt des gentils? Avec ces accords-là, je pense que ça serait beaucoup plus simple de faire des gentils. Donc en fait, je dis ça, on n'a pas tellement le choix. Celui-là, si je le monte un peu, ces deux-là par exemple. S'il y a Benja dans le chat, on peut dire que c'est un vaisseau rempli de Benja. Du coup, ça veut dire quoi? Qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin d'une nouvelle courroie pour leur vaisseau. Après, tu fais ce que j'ai cette formation. À la Mars attaque, genre waouh au début, mais avec un truc qui cloche, ça c'est pas mal. Roxas 13. Bienvenue d'ailleurs, Roxas 13, c'est ton premier message. Genre waouh au début, un truc qui cloche à la fin. Ok, on peut essayer de faire un truc comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer. Alors, je vais trouver un autre. Non, pas audio. Je vais trouver un autre son. Celui-là, je vais le mettre un peu plus tard. Et on va utiliser que les fondamentales pour faire des basses. Hop, et là, c'était sol. Donc, sol, il est là. Hop, hop. Je prends tout ça, je le descends. C3, on va mettre à C1 ou C2 même. Et on va lui trouver un bon son de basse. J'ai toujours de bonnes idées. Je crois que Nono serait pas d'accord avec ça. hop, lui, on va lui faire une. Hop. On va lui faire une basse. Basse synthé. Partir sur quelque chose d'un peu plus. Et pour ça, on va aller voir Massive. On va trouver un bon son de basse bien gras, bien la menace. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être lui mettre une octave ou deux vers le haut ou vers le bas. Alors, pour s'envoyer dans Browser, on va chercher basse et un distort de basse que ça donne. Non. Faudrait un truc un peu, voilà, long evolving, c'est bien ça. Ça, c'est pas mal. Celui-là, on le retient, le As Viper pourra après faire monter le truc Phalangina. On va commencer avec celui-là, le Fire Away, et le Rocker, pareil, après on va l'utiliser plus tard. Et je vais baisser d'une octave encore pour voir ce que ça donne. Et ce que je peux changer, hop, hop. Parce que là, voilà, Massif, c'est un synthé en fait. Il y a des milliards de réglages. Et on peut à peu près tout modifier, quoi. Mais c'est un peu. J'ai envie de lui baisser les aigus quand même. Hop, EQ weight. Si je fais ça. On va mettre tout simplement autofilter. Avec de la reverb. Ça résume pas mal ton arrivée en vrai. Et on va tenter un petit flanger. L'effet qu'on a essayé la dernière fois. Voilà. Ça fait vaisseau lien. Ok, très bien. Un petit bip bip. Faudrait un petit qui va faire que on va plus capter la rythmique et du coup plus capter que la rythmique a un problème. Hop, on va faire un truc comme ça. Un truc comme ça. Et hop, on va essayer. On va lui mettre pareil un son massive au pif en fait. On est quoi en C dièse. L'avantage c'est que massive il y a déjà un son de base très clean. Ça ne marche pas. Hop, on a ce 3 comme ça. Ok. Ce qui fait que là, en fait, moi j'ai ça. en doublé, tout simplement. Non. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Il m'en manque un. Ok. Et on va essayer de l'accorder avec le avec tout ce merdier là. Hop, Ctrl J. Et c'est bien foutu quand même. Pas chier. Ça, c'est quoi du coup? On a dit la dièse même. Bon, la dièse, il est. Merde. Bon, la dièse, il est là. Et donc, tout ça, ça va être un sol. Sol qui est encore un peu plus bas. Je vais planter quelque part, je crois que celui-là il est censé rester. Bon, d'ailleurs, je vais le garder en fait en haut. Et maintenant, on va trouver un truc un peu plus mieux quoi. Pas, je suis pas complètement convaincu par ce truc là. Je suis pas entièrement convaincu par ce truc là. Hop. Il va descendre donc en là, la dièse. Et ça marche pas du tout ça, c'est ça qu'il faut faire. Non plus. Non plus. Hop. Je prends ça et je ne veux pas qu'il bouge. La dièse ici. Et donc lui c'était un sol. Un petit bouge pas. Sol dièse. Sol dièse. Pas complètement convaincu, pas complètement convaincu. On va essayer autre chose. On va hop, mettre une piste MIDI, lui faire enfin, lui mettre un arpégiateur, peut-être. Je vais le mettre là pour voir. Hop, ici. Avec le même son pour voir. MIDI effect arpeggiator. Comme ça. Neuf, donc on a trois accords. On va le rajouter vers le bas pour qu'il soit un peu grave, mais pas trop. J'étais en C, donc C2. Et on va faire la même chose, mais vers le haut cette fois-ci. Vers le haut en C4. C'est mieux. Il est très fort, mais c'est mieux que ça. Ça, je suis pas fan. Ça, je suis pas fan du tout, donc on va le virer et on va mettre ça à la place. Vaisseau alien qui débarque, hein. Entrée atmosphérique. Salut Seb à toutes! Si on met le clic, ça fait ça. Salut Leisuke, ça va? Et on va rajouter une petite guitare. On va rajouter une petite guitare très très atmosphérique. Hop, hop, hop. Il y a un truc que j'aime bien. Et que j'avais déjà fait sur l'album, donc peut-être que je les ai encore. Délai, gna gna gna. Non, j'ai pas l'impression. C'est pas grave, on va lui mettre un guitar rig ici. On va faire un truc comme ça pour qu'il y ait une petite rythmique. Un petit billet atmosphérique, exactement ça. Alors, style, ambient, qu'est-ce qu'on a là? Solo, Atmogit, je crois qu'il est pas mal. Et pour essayer, on va tenter des trucs quand même, parce qu'on est quand même là pour essayer. Je vais renommer. Hop. Billy Atmo. Ça porte bien son nom. Comme d'habitude, je vais lui mettre un petit... non, c'est pas ça. Dynamics. Un petit noise gate, parce que sinon, ils font chier. Voilà, très bien. Et donc on va tenter les quintes. Donc on est sur quoi? On est sur Do, La, Sol. Ce qui donne Do, La dièse. La dièse ici, hop, Do. plutôt que de faire le les Clark Kent, effectivement, les Clark Kent, elle est bien celle-là. Ça va bien, merci. Quand on fait des power chords, power chord qu'on fait beaucoup en rock, en metal, tout ça, en fait, c'est la fondamentale, donc la note qui donne le nom à l'accord. Normalement, il y a une tierce. Si je fais ça, do, c'est ça. Là, c'est une tierce majeure, tierce mineure, et la quinte qui ne bouge jamais. Quand on fait un power chord, ça va être comme ça. On enlève la tierce, ce qui fait que c'est ni majeur ni mineur. Et là, on va essayer de faire la guitare avec ça, et on va voir ce que ça va donner. On n'entend pas du tout, parce que vu que la basse, elle tabasse, eh bien, je suis obligé de baisser le gain de la basse à chaque fois. Voilà, c'est mieux. Je m'ai trompé. J'ai pas l'habitude d'étiqueter. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que je m'ai planté ? Je crois que non. Hop, Billy Atmo, ça marche pas très bien là, ça. Voilà. Ah, je suis pas fan. On va faire un truc un peu plus dans les aigus et qui monte. On va faire un truc qui monte, histoire que ce soit un peu plus. Ça arrive, c'est grandiose et boum. Évidemment. Hop. Je vais redémarrer ici. Un truc plus comme ça. La rythmique, elle me donne beaucoup de mal pour les changements d'accords surtout. Savoir quand faire bien le changement. Comment je suis là. Hop. Je triche complètement là, hein. On est d'accord. Mais comme dirait l'autre, on n'a pas le temps de niaiser. Deux, trois, quatre, hop, j'ai vraiment fait n'importe quoi. Bon, je vais essayer de faire ça à la bourrine, parce qu'on peut lui demander à Ableton de faire directement la chose bien. On appelle ça quantifier, alors on va essayer de quantifier. Là, par exemple, il a chié. Par exemple, c'est lui qui aurait dû être là. Là, Là, par exemple, il y en a 3, il ne devrait pas y en avoir 3. Là, j'en ai 5, il ne devrait pas y en avoir 5. Hop, comme ça. Hop. Voilà. Et voilà. C'est mieux. Voilà, pareil, là, on l'entend. C'est lui qui devrait être là. Et lui. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'ai-je fait? Quelle horreur! Hop. Hop. Quelque chose comme ça. Non, pas du tout. Hop. Voilà, toi t'es là. Et en fait, celui-là, il était bien là. C'est bon, la technologie! Alors, qu'est-ce que ça donne? J'ai rajouté encore plus de réverb. Là, ça va être le. Ça va être le faisceau de la réverb, je vous préviens. Faut que je t'explique. Je veux du triangle sur ce morceau. Je sais pas si j'ai du triangle. C'est une bonne question, ça. Je sais pas si j'ai du triangle. Je t'explique. En fait. J'ai essayé de d'être temps. Patapata, patapata, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Le problème, c'est que comme là, ben, on n'a pas trop le temps de faire ça super bien, je l'ai fait un peu à l'arrache. Et donc, je demande ensuite à Ableton de quantifier, c'est ça le mot. C'est-à-dire que de lui-même, il va repérer les crêtes et il va les mettre sur le temps. Sauf que parfois, ben, j'ai tellement chié qu'il pense que cette crête-là, elle doit être en avant alors qu'elle devrait être en arrière. Du coup, je suis un petit peu en train de réparer ça, mais ça m'a quand même fait gagner un temps fou. Triangle, attends, attends, on écoute ça. On est là. On en prend note pour après. Ouais. On n'a pas le temps de faire les choses bien là. Hein. Enfin bien. Oui, on va quand même sortir quelque chose. Triangle. Alors, insérer piste MIDI. Est-ce que Easy Drummer, dis-moi, est-ce que tu as un triangle? Si je l'ai pas là, je vais aller le chercher ailleurs. J'ai peur qu'il n'y en ait pas. Hein, je vous cache pas. Parce que attends, vous voyez, il y a des claps, des trucs, tout ça. Mais un triangle, je suis pas sûr. Rangez ça, le jour où on va vouloir faire de la pop un peu techno que ça. Celle-là est pour toi, Gwen, c'est effectivement le rythme d'une des chansons de Placebo. Percussion, shaker, tambourine, one shot. Non, là j'ai pas. Là j'ai pas, mais peut-être que Contact dans son immense générosité. Je vais voir. S'il y a pas, tu peux pas tricher avec un autre instrument que ça ressemble à un triangle. Si, si, je peux essayer de trouver. Mais là, il me semble que j'avais des percus India, Korg, West African, percussion. Hop, single percussion, quoi. Djembé. Je sais pas ce que c'est, Ukraine, en fait. Ça, le problème, c'est qu'ils nous font pas écouter. Vintage organ, ça c'est quoi? Scarabée, clavinette, non. Peut-être que là j'en ai percussion. Full percussion, cymbale, marimba, tambourine, timpani, triangle. Et voilà. Vas-y, mon ami. Cherche-moi ce triangle. Normalement, du coup, je dois avoir pour mettre un petit triangle. Mais effectivement, en vrai, le pire, c'est que le triangle, ça a marché pour faire des petits ting au début du truc. Pour que justement, on chope bien le temps. Ça peut être très bien. Il nous reste 2h26 pendant que ça cherche. Et on va voir si on met le triangle à chaque changement ou juste au début de la boucle. J'ai peur que chaque changement soit lourd. Mais peut-être que ça va aider aussi à avoir le tempo, enfin le tempo, le changement d'accord. Évidemment, il met 25 minutes à trouver. Parce que je crois que je ne l'ai jamais utilisé en plus ce triangle. Donc on va voir ce que ça va donner. Merci pour le placebo, avec plaisir. De toute façon, je suis obligé d'en mettre un à chaque fois, mais non, enfin, dès que t'es là, de toute façon, je serai obligé d'en mettre un. Bon, et voilà. Qu'est-ce que tu fais? Et ça me bloque tout le truc en plus, hein. Quoique non, en vrai, normalement, je peux pouvoir faire ça. On va voir si je fais si je fais un arpège, qu'est-ce que ça donne. Donc do. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. J'aurais dû m'arrêter là, c'est simple. Alors. C'est les mêmes partout. Bon, moi c'est clair. Hop. Veuillez sélectionner largement un intervalle temporel par an. C'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Voilà, c'est ça. D'accord, c'est les mêmes partout. Ouais, y a pas de. On va mettre en C histoire de me retrouver. Voilà, très bien. Triangle, je le note. Hop, toi, je vais le mettre en boucle. On va pouvoir le réutiliser tranquillement. Vite, et c'est. Donc c'est un tons, il y a une seule note. Tons, et donc je prends tout ça, je le boucle. Le triangle, j'ai envie de le faire un peu énorme. Là, je vais. Hop, pareil. Je vais mettre du délai pour voir ce que ça donne. Plus. Allez, je vais mettre au max. Est-ce que. Bon, on va essayer, hein, voir si je le mets dans tous les changements d'accord. Qu'est-ce que ça va donner? J'essaie de penser à des trucs qui changent du genre une sorte de flûte, mais je vois pas comment ça collerait. Il y a déjà une espèce de fond vent, donc pas utile. Tu on va voir au fur et à mesure, hein. Là, rien n'est encore fait. Alors. Celui-là, je vais le. Hop. Ah, ma boucle n'est pas exactement comme il faut. Et voilà ici. Donc, ça, je vais en faire un seul truc. Hop, loop. Je vais le mettre en même temps que la guitare déjà. À la fin, je vous préviens tout de suite, on va mettre des cœurs. Hein. Arrivé dans le sphère, il y a un truc un peu angélique, un peu mystique, un peu divin. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va se mettre une piste audio. Et pour différentes choses, sans défect. Voilà, j'avais. J'avais samplé des sons de planètes de la NASA. C'est-à-dire que la NASA, elle reçoit des ondes électromagnétiques de plein de planètes, tout ça, et les convertit en signal audio. Et ça donne des trucs assez intéressants. Il n'y a plus qu'à trouver où ils sont. Du import voilà donc on fait tout voilà ouais, tout comme ça non ça c'est les chansons pas du tout sample Anno Saturne on va faire des paroles je sais pas. Je sais pas, à la limite, on peut faire, on peut essayer de faire des paroles un peu mystiques, tout ça. Et dans les chœurs, en fait, il y a un moyen, dans les chœurs, il y a un moyen de leur faire dire des certaines syllabes. Alors, on va quand même pas faire des mots avec, mais si moi, derrière, je fais 3 ou 4 pistes audio, où moi, je dis bien les mots, derrière, avec les syllabes des chœurs, ça peut faire l'illusion. En tout cas, j'imagine, j'ai jamais essayé. Mais on peut faire un truc comme ça. Donc, potentiellement, on pourrait ça penser à des paroles. Comme ça. On peut faire un truc presque en latin, quoi. Habimus, his fanti. Un truc comme ça. Des paroles très effacées, les mots un peu étirés. Comment ça, un truc alien. C'est vrai que moi, je le voyais du point de vue humain, ce truc-là. C'est-à-dire que les humains voient ce truc-là arriver et qu'est-ce que ça leur inspire. Mais on peut faire un truc aussi un peu du point de vue des aliens, avec des phrases un peu, avec une voix complètement tarabiscotée. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Pas mal, ça. Bon, la thune, on dirait juste qu'il y a du vent. Ah non, ça non. Saturne, il est flippant, hein. Pour la femme, peut-être Saturne. L'arrivée des grands astronautes à l'époque du latin. Ouais. Des anciens astronautes. La Terre, ça donne ça. Passe plus de trucs sur Terre déjà, tu sens qu'il y a beaucoup plus de d'interférences électromagnétiques. C'est là. Ah, c'est flippant ça. On va partir sur ça, je pense. Pour le début. Je vais baisser tout quand même. Parce que sinon j'ai peur que ça fasse vraiment hop, moins 6. Bon ça je peux remonter ça. Ça bosse dur encore ce matin, Daisuke. Ouais, c'est grave, ça me saoule trop de taf pour plus rien avoir à faire. Bah écoute, tu peux travailler avec nous si tu veux. Voilà, si t'as rien à faire, viens t'amuser avec nous. On rigole bien. Je trouve que ça marche pas mal. Ouais, si j'enlève. Voilà, c'est un peu le moment calme quand ils arrivent, tout souvent, c'est pas trop. Il y a les nuages qui s'écartent. On va voir si j'ai pas un gros truc bien. Boum. Boum. Alors, un peu plus tard, ici. Qu'est-ce que j'ai ? Par exemple, ici, je dois avoir quelque part des. Hop, contact. Ici. Je dois avoir quelque part des gros. Des grosses percus. Bass drum, par exemple. On va voir ce que ça donne. Boum. Comme ça, on va regarder un peu les glucam. On n'entend pas. Où est-ce qu'il est ? Voilà, ici. Un peu plus fort aussi. Je vais le compresser même celui-là, histoire d'être sûr que qu'il tienne un peu longtemps dans la durée. Ratio. Un peu moins. Boom. Ça commence à faire monter la pression. Un petit égalisateur pour voir. Je vais mettre là et je vais mettre une petite pointe ici aussi. Comme ça. On peut entendre bien le claquement. Marrant. C'est une petite ambiance, quoi. Ranger, elle est un peu plus baise. De l'espace, ouais, ça fait un peu ça. Peut-être un vaisseau rempli de baleines. Désolé, temps de réponse pour le chant, je pensais soit en mode opéra quand c'est lent, et les mauvais tirés, ou sinon les chœurs en mode plus violent et saccadé comme le début du chant de Kingslayer par Nightwish. Je l'ai pas, Kingslayer par Nightwish, je t'avoue. Je suis pas, je coupe pas beaucoup Nightwish. Et là, on va mettre un petit, petite tension. On va faire ça à la guitare. Yep. Alors, viens ici, toi, mon petit Billy. On le tient. Truc comme ça. Mode bien de tension, quoi. Un peu flippant comme ça, quoi. Et après, on peut même lui rajouter des notes au fur et à mesure. Donc là, je suis là. Sachant que do, ré, ré dièse. Et un troisième, histoire de vraiment foutre de ce bull. Comme ça, et on va lui mettre effectivement un pas un clic, mais j'ai évidemment une horloge quelque part, donc on va mettre une horloge. Import sample, papa, où est-ce que j'ai tic tac, est-ce que j'ai tic tac quelque part, voilà, ici peut-être, non plus, là, non, horloge. Ah, je suis sûr que j'avais tic-tac. Ça m'emmerde, ça. Non, non, non, non. Non plus. Non. C'est vite de bordel, hein, dans mes trucs. C'est vrai, je vous l'accorde. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Dans les gares, peut-être, effectivement. Riche, le gna-gna... Je l'ai plus. Je l'ai plus. Où est-ce que je l'ai? C'est incroyable, ça. Pourtant, j'ai tapé horloge, non? Peut-être pas, hein. Bruitage. Hop, tour de maison, chambre. Tic-tac. J'ai quoi? Yep. Bon, on va prendre celui-là, on va voir ce qu'on peut en faire. On va le warper. Et on va le mettre pile comme il faut. Hop. Voilà, je vais en faire une petite boucle. Et tout ça, je vais le virer. Parce que oui, il n'y a pas besoin d'en avoir autant. Qu'est-ce que Harold fait dans Ableton Pro? Il y a Harold dans Ableton? Ah oui, il y avait le chien, effectivement. Il y avait le chien, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je vais faire une autre piste, histoire de pouvoir avoir ce son un peu mieux. Audio effect. Hop. On va mettre un égalisateur. Ces aiguilles m'emmerdent. Hop, il va aller là et je vais le rallonger un peu. T'as des bruits d'hélicoptère pour faire du ras? Non. Enfin, peut-être. Est-ce que je peux descendre plus loin encore? Mettre une énorme basse. Ça devient con là. Je vais virer le flanger à ce moment-là. Désolé Gwen, mais c'est nécessaire. Et ça, pareil, on va jouer avec la droite et la gauche. Hop, et dans le sens. Pour que la guitare se foute pas sur la gueule. Et lui, je vais lui rajouter un petit, le fameux One Knob. Je le mets partout, tout le temps, parce que je l'adore. Mais je trouve qu'il marche très très bien. Pour le... Ici, là, pour que ça fasse encore un peu plus... Encore un peu plus flippant, quoi. Et après on fait quoi? Moi j'ai envie de faire péter le truc là. Boum. Est-ce que c'était depuis le début? Thank you. ça doit rester qu'un comme ça ou plus fort. On va faire justement la pause qui est après, et après j'ai envie de faire péter le truc. On va vraiment les voir arriver et vraiment d'un coup arriver dans l'atmosphère, et peut-être à l'air et tout qui fait une onde de choc, tout ça. J'ai envie de le faire un peu plus long, celui-là, quand même. C'est dommage. Tant pis. Donc, on est là. J'ai envie de rajouter, comme tu disais, une petite voix opéra. Est-ce que je vais y arriver? Je vais faire de mon mieux, mais... à ce moment-là, au moment où ça reprend, là. Maintenant. Qu'est-ce que je pourrais dire? Pardon. Qu'est-ce que je pourrais dire en latin? Sortez-moi des mots latins. Optimus. Hop. Optimus. Maleficus. Sortez des trucs comme ça qui veulent rien dire, mais on va quand même les... trucs qui sonnent latin, quoi. Optimus. Maleficus. Imperium. Qu'est-ce que quoi? Optimus, Maleficus, Imperium, Ad Astra. C'est bien ça, Ad Astra, ça veut dire jusqu'aux étoiles. Ad Astra, Barbarium. Alors, je vais pas tous les dire, hein, mais là, on va essayer un truc comme ça. On va juste essayer pour l'instant. Je vais mettre ma voix. Juste pour voir. Je suis pas convaincu. Étonnamment, je suis pas ultra convaincu par ce que je viens de faire. On va juste faire des voix comme ça, déjà, une espèce de cœur. Un truc comme ça, et puis après je vais mettre des effets. Oh. Ah. Je fais ça avant. Si j'étais bon en plus. Si j'étais bon en plus. Un truc comme ça, je vais me rapprocher. Je vais me rapprocher un peu. Oh. C'est du cœur normalement, mais là, j'avoue que c'est chaud. Et je suis pas sûr d'être très très juste. Pour ne rien vous cacher. Mais c'est pas grave. Je vais en faire quelques-uns. Et puis on va voir ce que ça donne. Ouh, il était chaud celui-là. Hop, hop, je vais grouper ces deux pistes. Comme ça, après, je vais mettre des effets à seulement une. Hop, on va continuer à faire des petites voix. Je vais refaire la même. Je trouve que c'était pas mal. Je vais louper celui-là, je vais louper. Pareil, un peu faux, c'est pas très grave. Et je vais essayer de refaire la toute première voix un peu grave que j'ai faite tout à l'heure. Oh, celle-là. Ça demande du coffre, étrangement plus que de juste brailler. Et tout ça ensemble. Alors, les graves, on va les mettre à moins 25. Et à 25. Et les aigus, on va les mettre un peu plus. À moins 35. Et à 35. Voilà. Et on va lui mettre des effets. Bibliothèque. Hop. Voix. De l'album. Tu es presque pour le thème de Halo, c'est vrai? Oh merde! Attends, bon, ça colle! Halo, les aliens, tout ça quoi. Donc, je le prends bien. Voilà. On va dire que je le prends bien. Ça dégage. Ça, je le garde, ça dégage. Et. Mais ça dégage. Ça donne quoi? C'est un peu faux. Si peu. C'est si peu faux. Cette basse là, elle me gêne, je pense. Et à partir de là, hop, on est où? Ici à peu près, je vais mettre ça comme repère. On va partir sur un truc énorme. Alors, pour un truc énorme, qu'est-ce qu'on fait? On va partir sur de l'électro, mais aussi de la symphonie. En gros, un orchestre et des grosses nappes. Et on va commencer par... si je fais ça, il se passe quoi? Il se passe que je le double. Et lui, on va lui mettre des gros up contact. On va lui mettre des grosses basses. Des grosses basses en mode cuivre. Hop, si je vais là, que je vais dans brass, tuba, French horn. On va mettre brass ensemble, comme ça on s'emmerde pas. On va juste mettre des grosses graves. Et qu'on va laisser l'autre basse aussi sur place, histoire que vraiment ce soit énorme. Incroyable quand même, hein, vraiment dans le futur. C3, hop, C2. Hop, C1. Qu'est-ce que c'était ça? Ça c'était un C. C4. Ah, puis il va juste être là. Mais comme c'était joli, eh ben ça, on va le doubler et on va le mettre dans les aigus. G1. Et on va le monter à peu près ici. G3. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Pincé à la fin? Si je suis un sol dièse, si je suis un sol dièse, est-ce que je n'obtiens pas un dièse? Oui, c'est bien un do pourtant. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai dû faire une erreur ici, peut-être. 1, 2, 3, 4, c'est ça. Mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Bon, hop, ça dégage. On est parti sur un sol dièse à la fin. Donc, sol dièse, on est sur G. G, voilà. G, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. On sait pas un seul. Et ces deux-là, on va les monter, on avait dit. Voilà. Je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec ça. Parce que ça sonnait pas aussi. D dièse, G dièse, Do. Alors, D dièse, G dièse, Do. Et là, j'ai un Do. Ben, ça... Il a pas envie d'être bien, lui. Il a pas envie d'être bien, écoutez, on va simplement, je ne sais pas pourquoi, mais hop, et on va jusqu'au bout, et lui on va, ah mais parce que c'est pas un don, c'est un... C'est mieux. Voilà, il y a bien une fausse note, je suis pas complètement fou. Donc on a des basses. On va garder cette basse là aussi. Hop. Et on va la mettre là. Et le flingueur, on va le prendre. Vous avez bien entendu ? Voilà, moi comme d'hab, j'ai envie de faire pipi. Alors je vais vous laisser, je vais mettre un peu de musique. Et je vais reviendre. De retour, voilà. Mais bon, je suis allé faire pipi, mais j'ai eu des idées en faisant pipi, parce que pourquoi pas. Il faut des percus, il faut des énormes percus. Alors, un truc comme ça. Donc, on va réutiliser les percus qu'on avait. Qu'on avait là. Hop, ça c'est l'horloge, ça c'est le... Je vais renommer tout ça. Horloge, là c'était... Pardon. C'était sample de planète. Ça c'est le groupe voix. Et ça... Et ça c'est... percubas. Et on va utiliser ces percubas pour faire un rythme. On va peut-être utiliser autre chose en fait, parce que c'est un peu bas et ça va vite ça va vite péter les couilles, comme on dit. Piste MIDI. On va mettre percu, on va voir ce que ça va donner. Toujours contact, mais cette fois on va lui mettre toutes les percus. Alors ça risque d'être un peu plus long à charger. Percussion et. Y a pas ensemble bass drum Celesta gna gna gna full percussion, voilà, full percussion. Pressé, on va essayer de mettre un truc papum pum papum pum, un truc un peu martial quoi, un truc un peu c'est la guerre, ça y est, ils sont là, il va falloir arrêter de déconner. Alors comme ça. Thank you. Voilà. Voilà. Donc on a la rythmique, mais là il n'y a plus qu'à en foutre partout. Et je vais faire ça et j'utilise une batterie tout simplement. Hein. Hop. Et là je vais virer ça et je vais mettre une batterie pour avoir des sons un peu plus claquants. Easy Drummer. Hop. Oui, ah, déconne un peu, évidemment. Faut toujours que ça déconne à un moment donné. Sinon c'est pas drôle. C'est pas mal. Un peu de réverb. Et en plus ça colle. Allez, violent. Violent. Alors je vais reprendre ça. Hop, on va virer cette ligne là, virer cette ligne là, le reste on va le monter, je vais lui mettre d'abord les violons sinon ça va être chiant, et on va lui mettre des violons qui dans le rythme, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Truc comme ça. Hop, on enlève ça, paf paf paf. Violon, violon. Violon ensemble. Très bien. Hop. Il cherche. Faut toujours qu'il cherche. Je comprends pas ça d'ailleurs. S'il y a des informaticiens dans le truc, il cherche toujours où sont les fichiers. Alors que bon, c'est pas la première fois non plus quoi. Non, c'est staccato si je dis pas de bêtises. C'est très bas. Du coup, je vais les monter. Bon, ça monte jusque là quand même. Donc on va essayer de pas trop forcer non plus. Merde, j'ai pas vu ce que c'était. G1. Voilà. Comment tout louper plusieurs fois d'affilée. Et on va doubler ça, encore et encore, pour que ça fasse quelque chose comme ça. Et on va mettre notre petit violon. Piste midi qui va faire lui un arpège qui va monter et descendre en gros exactement ce qu'on a fait là. C'était celui-là. Et d'ailleurs, je vais le renommer arpège. Voilà. Donc, je copie ça, je le colle à la place des nouveaux violons. Et comme je veux exactement ce que j'ai là, bah, je vais pas m'emmerder, je vais aller chercher l'arpégiateur qui est déjà réglé. Et je vais le mettre là. Hop, ça c'est les violons, hein. Alors, on va mettre violon staccato. Staccato, et là ça va être violon arpège. Et je lui ai pas encore mis le violon à lui. Hop. Violon, violon, violon, violon. Violon ensemble. Parce que le violon tout seul, il fait très fake, quoi. Violon tout seul, il est pas foufou. Ou alors peut-être qu'il faut vraiment le régler au poil de fion, mais c'est chaud, quoi. Mon avis, parce qu'il va trop bas, il n'arrive pas à partir de là. Il n'y a plus rien, donc en fait il les joue, mais comme il n'y a rien, ben, il laisse en silence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça et on va augmenter jusqu'en haut. C2, on va monter jusqu'à hop, C5. Et je vais continuer à tout descendre de volume parce que sinon ça va être chaud. Les percus, on entend beaucoup celles-là. C'est pas mal. Je sais pas ce que vous en dites. Est-ce que ça fait entrée de vaisseau alien dans l'atmosphère? On va tout réécouter une fois. Il faut un petit truc qui fasse monter la pression. Je vais voir si je peux pas faire ça, faire des une espèce de nappe de cordes pour voir si c'est pas moyen de faire un truc qui fait un brrrr. Hop, hop, hop. L'ordi galère un peu, c'est pas grave. Allez, on fait ça et après on va faire une petite pause avec avec un clip. Cette fois, ça sera celui de Brigitte Bonin. Contact. Hop. On va mettre cello ensemble, on va voir ce que ça donne. Avec, avec des violoncelles. C'est-à-dire le troisième étape quand on va vers le bas, violon, alto, violoncelle et contrebasse. Ah, il s'arrête ce con. Cette fois-ci, je le mets en sustain. Staccato, ça nous quoi? Et voilà. C'est comme ça avec un effet. Si je lui fais un effet comme ça et que je lui mets autofilter fréquence et que je le descends vraiment de très bas à un truc normal, prépare, voilà. Beaucoup de reverb, beaucoup de délai. Un peu plus bas. Très fort. Je le baisse. Voilà pour le truc de base. Il nous reste 1h26, on va faire une petite pause. Je vous laisse avec le clip de Brigitte Bonin qui s'appelle Endless Hop, si je dis pas de conneries. Je mets en pause le timer et on le remettra après si j'oublie pas. J'espère que non. Et voilà, je vous dis dans je sais pas 3-4 minutes quelque chose comme ça, à tout à l'heure. No. Et voilà le clip de Brigitte Bonin. Elle sort un album en fin de mois, là, ou bientôt en tout cas, le nouveau clip devrait pas tarder à arriver, à moins que ce soit peut-être même déjà arrivé. Voilà, nous on va continuer. Je remets le timer, on s'écoute une fois entier le morceau qu'on est en train de composer. Je vous rappelle les contraintes, c'est ça les accords. Rythmique irrégulière pour la partie sur un 7-4. Il me semble que c'est ça, 7-4 ou même 14-8. Enfin, bon, j'avoue que pour moi, c'est du pareil au même. Et le contexte, entrée atmosphérique du vaisseau alien, on s'écoute ça. Alors, je vais continuer ça et on va rajouter une mélodie au cuivre. Violon, violon, violon, violon. Hop, hop, hop, hop, hop. Où est-ce que j'ai mes cuivres, moi? Là, j'ai mes cuivres. Hop, on va doubler ça, virer ça. Comme ça. Il est bon. Ça donnerait quoi? Tout, tout, tout. Hop, il y a trop de bordel. On va essayer de mettre ça en solo. Salut Seb, re-bienvenue. Hop, je vais mettre tout ça à fond. Et je vais voir si je peux pas même le doubler. Tac, je suis en G3. Voilà. Je m'ai planté, il faut que ça soit plus après. Parce que je vous rappelle que la rythmique est un peu à la con. Donc il faut que... Hop. Celui-là, il faut que... Hop, hop, hop, hop, hop. Qu'est-ce que quoi ? Ouais, ça, il faut que ça soit un peu après pour que... Voilà. Quelque chose plus comme ça. La fin est un peu plus compliquée. Dû au fait que ben c'est pas. On n'est pas parfaitement en rythme. Si je fais ça, j'ai peur que ça ne passe pas du tout. Allez, fantaisie avec des aliens. Ah, c'est pas trop dégueulasse. Si on repart de là. Qu'est-ce que vous en dites tout ça? On se remet une fois depuis le début, parce que là j'avoue que je me perds moi-même un petit peu. Il nous reste 1h15 pour finir ce morceau. Avec les contraintes que vous voyez là. On perd quand même pas mal l'entrée atmosphérique des vaisseaux aliens au fur et à mesure, je trouve, mais à part ça, c'est cool. Je prends de la pause. Ah, tout à l'heure, Daisuke, qu'est-ce que tu verrais c'est vrai que ça fait un peu moins envahisseur, c'est vrai. Faut trouver quelque chose qui fasse plus envahisseur alien. Je ressens pas trop la rythmique irrégulière. Écoute, de toute façon, une rythmique irrégulière est irrégulière par rapport à une norme. Donc à partir du moment où on s'habitue à ça, c'est vrai qu'on perd cette notion, mais c'est du 7-4, c'est quand même assez irrégulier. C'est-à-dire qu'effectivement, les deux premiers, c'est 4-4, 4-4-8 et 6-6. Ouais, 4, 4 et 5, ça fait 14, donc ça fait bien une 7. Après, si tu veux, on peut tenter un truc si je le mets que ça. On peut tenter un truc comme ça si tu veux. Mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Le truc, c'est que la rythmique irrégulière, elle est surtout là pour que le moment où tu attends que ça change ou que ce soit plus lent, eh bien en fait, ça te coupe dans ton élan. Parce qu'à force d'écouter, on s'habitue vite aussi. Hein. Moi, il y a des trucs que tu écoutes qui sont pareils du chat comme ça, et en fait, on s'en rend plus compte, quoi, à force de l'écouter. Là, pourtant, c'est bien, le septième, il est censé durer un peu plus longtemps. Le troisième accord, pardon, il est censé durer plus longtemps, mais comme on s'habitue, on n'entend plus. Continuer sur le temps 4-4. Je tente des trucs, hein. Je sais pas trop où je vais avec ça, mais on va voir quoi. Apporter un peu plus de dynamisme. Ouais, c'est ça. Pourquoi il a pas un? Ah, c'est plus bas. Des trucs, je sais pas où je vais. Et sur ce, on peut continuer après à l'infini. Là, il nous faudrait un truc. Je suis presque envie de reprendre ça. Envie de reprendre ces cuivres là. Et de les mettre en mode avec quelque chose de beaucoup plus électro. On va voir ce que ça pourrait donner. Alors ça dégage et on va les mettre massive. Quel genre de son? Un truc bien synthpad, evolving pad ou pif. Et bien alors. Hop là. Synth lead plutôt on va mettre. Hop, long evolving. Peut-être même les mêmes les mettre au début. Vous savez, quand c'était encore là. Donc pas ça. Waouh, ils sont horribles ceux-là. Process, ça veut dire quoi? Ça peut être marrant au début. Il est un peu faux, mais parfois ils font des trucs comme ça, c'est chiant. Volontairement, ils faussent le truc. Puis c'est quoi ça? Hop, moins 0 en fait. Hop. Voilà, vous voyez le pitch là, je sais pas pourquoi. Pourquoi ils font ça? Bon, pour le truc d'électro, ça va être cool là, tout ça, mais. Mais là, ça me... bof, quoi. 44, non. Alors, ça fait 48, si on veut quelque chose à l'octave. Voilà. Pas encore assez Alien. Si je mets Alien ici, peut-être qu'il va me trouver quelque chose. Alien, si. Peut-être pas, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue. Hop. Dirty Lead, y'a quoi? J'aimerais un truc au début un peu plus blue. Pas ça. Voilà, soft lead. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Alors je vais le renommer en Melo Synth. C'est pas mal, mais derrière je vais le compresser histoire qu'il y ait beaucoup moins de. Et pareil, comme d'habitude, je vais lui couper un peu l'herbe sous le pied. Hop. Je vais lui virer de l'aigu. J'adore les aigus, on dirait pas comme ça, hein, mais j'aime bien qu'il ait un raccourci. Mais par contre, il me faut quelque chose d'un peu plus balèze ici. Quoique, pas forcément. On va essayer. Et là, je vais le simplifier. Même ça, je vais le virer. Et celui-là, je le mets direct, sinon, je sais pas. De vraies grosses basses. Ça manque d'une vraie. Alors lui, je vais le garder et je vais le doubler avec un truc encore plus monstrueux. Voyons voir ce qu'on peut trouver. Un truc un peu plus... Pardon. On avait dit quoi pour la fin basse... distort bass, long evolving et... Je suis en train de changer le bon, moi. Le flanger qui va dégager. Ça aussi... Ça c'est pas mal ça, voir si je peux pas le monter. Oh, soit un peu plus dans les aigus, qu'il fasse plus guitare quoi. Et parfois le problème de ce genre de son c'est qu'ils sont monophoniques. Donc on n'entend qu'un seul des deux accords, qu'un seul des deux notes pardon. Donc pour ça on va virer ça, on va voir. Non, je sens qu'il est quand même. Alors, thank you. Hop, on va virer les aiguilles parce que faut pas déconner. Comme quoi, une grosse basse tout de suite. Ah ben, ça fait alien quoi. Alors écoutez-moi ça. Et là, pareil, on va rajouter. Des choses comme ça. Hop, je le loupe. Mais pas trop parce que sinon je risque de... Voilà, hop, ça je loupe. Et j'ai peur qu'on ne s'entende pas assez ce truc-là par contre. Peut-être que c'est trop bas, peut-être que c'est trop... Quand c'est comme ça, c'est cool. Comme ça peut-être. Et là j'avais pas de reverb, j'ai rien quoi. Par contre, il faut que ça soit beaucoup plus balèze, quoi. Donc, je vais essayer de rajouter une octave en bas et en haut. Voir si ça truc. Et si jamais c'est pas suffisant, je peux rajouter des violons, enfin des cordes. G. Oh ouais, même pas. Donc. Hop, je vais mettre plus bas parce que sinon plus haut, ben ça n'existe plus. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Après voilà, c'est que comme d'habitude, comme le master il est à donf. Regardez ça. la compression est à donf, histoire que vous en preniez pas trop plein la gueule. Mais du coup, c'est compliqué à mixer. Allez, au revoir. Alors. On va mettre une petite voix féminine, truc très angélique. Hop, hop, hop, audio, pas du tout audio. Hop, midi. Alors, on va lui rajouter donc plugin contact. Et on va lui mettre Voxos, Legato, s'il te plaît. Et t'as pas mis des cœurs, j'ai pas encore mis des cœurs. Là, j'ai envie d'une espèce de pause très, très onirique. Un truc comme ça peut être pas mal, je pense. Évidemment, c'est très très long à charger les cœurs, parce qu'il y a énormément de fichiers sons. Du coup, ça, c'est des sampleurs qu'on a là, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont passé des heures à enregistrer des voix, des cœurs, chaque note des cœurs, avec différentes intensités pour faire des fichiers. Ben, là. Ceux-là, l'A4, je dis une bêtise, l'A4 en bas, l'A4 en moyen bas, l'A4 en moyen haut, l'A4 en haut, en fort, je veux dire, en vélocité. Et donc tout ça pour chaque note, parfois pour une seule personne, parfois avec les chœurs entiers. Donc là en plus, là, il y a les chœurs de jeunes garçons, il y a les chœurs d'hommes, il y a les chœurs de femmes, voilà, soprano, alto, tout ça. Donc ça prend, j'imagine, des heures et des heures à enregistrer ça. Et ça fait énormément de fichiers derrière, évidemment. Donc il faudra ensuite tout remettre en ordre, quoi. Hop. Et donc forcément, ça met beaucoup de temps à charger, comme vous pouvez le voir. D'ailleurs, hop, je vais mettre ma jolie petite gueule à la place. Ça va, vous? Il nous reste 45 minutes. Il nous reste 45 minutes. Il y avait une idée à un moment donné de faire une espèce d'opéra, quelque chose comme ça. Désolé, j'étais au téléphone, mais je suis de retour parmi vous. Je file à la douche. Ah ben, c'est bon. C'est le jeu des chaises musicales ou quoi? Il ne peut pas y avoir deux personnes en même temps dans le chat. C'est incroyable ça. Quel manque de respect. Donc là, je sais pas si t'as. On se relaie au poil, nickel. Je sais pas si t'as écouté, Gwen. On est à la fin. Mika avait dit que ça faisait pas assez vaisseau alien. Alors j'ai rajouté une énorme basse un peu saturée qui fait vraiment. Ça qui fait vraiment. On arrive dans l'atmosphère et ça fait éclater tout. Et donc là, ça fait un truc vraiment pas mal pour le coup. Je trouve que ça fait alien. On va voir si Mika revient, ce qu'il en pense. Et là, on a fait un truc pas mal. Et là, je vais essayer de partir sur un cœur de femme un peu aigu, faire un truc un peu onirique, voir ce que ça donne. Là, c'est en train de charger. C'est pour ça que je peux rien faire. Mais je te fais écouter tout de suite. tant que ça finisse de charger. Je te mets à partir de la coupure. Attends, où est-ce qu'on est? À partir de la coupure. Ici. Un truc comme ça en partirait. Là, j'ai triché un peu, j'ai baissé le master pour que quand ça pète, hop, il y a un petit boost en plus. On va voir si ça marche. Ça se fait ça, hein, beaucoup. Et donc, on va virer les basses, les ténors. Les ténors. Voilà. Je peux pas descendre en dessous de ce sol-là. Tu vois, on va rester par là. On va juste faire un petit test comme ça pour voir ce que ça pourrait donner sans enregistrer. Pas mal comme ça. Truc comme ça, genre enregistré. Ah! Merde. Je m'ai planté. Ah! J'ai arrivé. Et après, si ça marche pas, je vais faire autre chose. Hop, on va modifier ça directement. Comme ça, peut-être. j'arrive plus. Je suis perdu dans mon prochain. C'est ça. Quelque chose comme ça, quoi. Salut Remika, bon, je vais te faire écouter. On a tenu compte de tes craintes, qui étaient absolument fondées. Et tu vas voir qu'on a fait un petit truc qui, je pense, te plaira. Pour que ça fasse plus alien, comme tu avais dit. Et ça, ce que je viens de faire, c'est pour la toute fin. Pas encore tout à fait satisfait. Pas encore tout à fait satisfait. Quelque chose comme ça. Pourquoi il coupe comme ça lui, net, dingue. Arrive ça. On va raccourcir un peu ça. Hop. Pour que ça prenne pas trop le pas sur le reste. Comment raquer la voix de gobelin là-dessus sans comprimer le gobelin sur le champ. Ouais, j'avoue que là. Je vais peut-être faire l'impasse. Et je vais ranger un peu, de toute façon on s'en fout. Il n'y a pas vraiment de rythme. Et on va essayer de pas trop caler les voix les unes sur les autres. Un petit peu pour faire la liaison. Mais point trop, là en faut. Hop, un petit peu plus. On va abandonner les gobelins dans l'espace. C'est peut-être lui qui arrive, hein. Ça, c'est une préquelle, en fait. Peut-être, on sait pas. Peut-être que les gobelins, c'est des aliens, en fait. T'as pensé à ça? Je crois pas, non. J'allais devoir ajouter ça, mais j'allais devoir baisser fort fort le niveau. Hop, le niveau, le volume, je veux dire. Je vais essayer un truc. Le faire venir, parce que je veux que la reverb de ce truc-là. Donc si... C'est incroyable qu'il y ait autant de reverb d'ailleurs sur ce truc-là, alors que j'avais pas mis quoi. Si je lui fais ça, il se passe quoi? Hop. Et si je fais ça? Non. Ça marche pas, mais il y a un moyen où je lui rajoute simplement une automation. Je ne sais pas trop. Je lui mets une reverb directement sur la gueule. Effet audio. Truc un peu chargé, donc on va mettre une reverb d'Ableton. Pré-délai 0. Ce que j'aime bien derrière, ça fait un gate. Attends, je remonte un petit peu. J'ai une petite idée potentiellement. Quand c'est intense la musique, il y a moyen de caser des petits chœurs en mode A ou O, aigu, très sec. Genre, un peu comme ce que fait Vian, le A. Comme ça, non. T'es déjà propre, t'as bien frotté, c'est bienvenu. C'est vrai que j'espère que t'as bien frotté. Je sais pas trop comment expliquer. Tu me dis c'est ça, c'est un peu ce que font les violons. Les violons qui sont... Merde, ils sont où ces violons? Hop, ça doit être... Violon. Ça, Mika, tu pensais à ça peut-être? Un truc comme ça, mais avec les voix. Il y a déjà les violons du coup. Ah, tu te tais, le nouveau. Si je lui mets une reverb là, et que par contre je lui fais une espèce de truc de niveau, genre que ça arrive que après, tu vois. Alors, hop, là c'est comme ça. Je peux pas faire plus que ça. Très étroite, non. Hop, hop, hop, hop, hop. On va mettre off pour voir. Truc comme ça, il se passe quoi? Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Si je lui fais même plus que ça. Alors, faut quand même l'entendre. On va voir comme ça ce que ça donne. On va voir ce que ça donne comme ça. Hop. La reverb, elle arrive que là. Je lui mets une reverb que je vais activer que là aussi. Device on. Hop. Tout ça, ça dégage. Sauf ici. Voilà. Et je vais me remettre en étroite. Très bien. Qu'est-ce que ça donne tout ça? Pas exactement comme ça en vrai. Ah, attends. En vrai, j'ai suivi le stream à la douche. J'ai suivi le stream à la douche. Il est fort. Je me demande si Mika disait ça pour qu'elle ait la voix du gobelin. Pas exactement comme ça en vrai. Pas sec comme ça. Tiens, je sais pas comment dire. C'est frustrant. Ouais, je suis désolé. Non, c'était pas pour le gobelin. Non, j'ai cru que c'était que t'étais de mon côté. Pas sec comme ça, mais un truc plus lent ou plus. Je veux dire plus lent dans ça. Ah, ou truc plus irrité, genre ah. Un truc un peu plus un rythme un peu plus lent dans le sens où on écarte un peu les pêches. Un peu fort ça. On va essayer là. Supprimer enveloppe. Mais on peut lui rajouter du délai à ce moment-là, histoire de... histoire que ça fasse vraiment vroom vroom. Pas mal. Et en fait, tout ça, je vais le déplacer un peu plus tard. Ça arrive un peu tôt, ça. Hop. Ici. J'espère que tout a suivi. La fin du rythmique. J'arrive pas, hein. Ça et lui il est un peu lent aussi. On va tout ramener un peu là. Voilà. C'est compliqué à bien jauger ce truc-là. Thank you. Comme ça, peut-être, je sais pas. Ah, j'arrive pas à trouver le bon truc. Plus léger, vous savez, le. Là, le film est au ralenti, quoi. À faire simple, hein. Comme ça, peut-être. Braze Attack, salut, bienvenue. Merci, j'ai eu pas l'habitude d'avoir des sursauts pareils. Il faudrait que je baisse un peu le volume du. Je peux le faire là. Le volume du hors disque. Ça m'a un truc. Bienvenue, on est en train de composer. Enfin, j'imagine que si tu t'es abonné, c'est que t'as vu. On compose un morceau, il nous reste 22 minutes. 22 minutes avec ces trucs-là. Et là, on est sur le moment dans le film où tout s'arrête. Où il y a un ralenti. Vous voyez, Wargon, il fait. Pour Frodon. Hop, celui-là, je le mets là, et normalement, on est bon. Normalement, on est bon. Bonjour, Rujova, bonjour, Zetak. Merci en tout cas, beaucoup, venu d'être là. moi, bien parlé. Ah, enchaînement, juste. Là, hop, là, allez, là, histoire de. On est bon, allez, on dit qu'on est bon. On dit qu'on est bon, je vais juste voir l'enchaînement avec tout ça. Il nous reste 5 minutes, j'ai envie de faire une putain d'apothéose. Alors, on va pas s'emmerder, on n'a pas trop le temps. On va prendre ça, on va doubler, on va mettre des cœurs, on va mettre tout ce qu'on a. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Clac, copier. À peu près ici. Mettre un peu plus loin même. Et on va essayer de faire une transition entre deux. Alors toi mon ami, tu vas venir là, copier, je le mets directement dans le cœur. Comme ça, il n'y a pas besoin de refaire une piste. Où est-ce que je prends ça peut-être? On va essayer ça plutôt. En fait, on va faire une autre piste pour avoir plus de. Pour avoir plus de personnes qui chantent. Ici, je vous rappelle que j'avais viré les ténors, les basses, tout ça. Là, on va tout mettre. Et on va voir ce que ça donne. Hop, il est un peu en train de charger, on va quand même essayer. Voilà. Est-ce que je peux augmenter la vitesse au max? C'était déjà au max. Bah on va voir à compresser, faire des trucs comme ça. Hop, hop, on va compresser. Compresseur ici. Comme ça, ce qui nous donnerait, on va, je vais reprendre à partir de là. Et donc là, il nous faut un petit quelque chose entre les deux, quoi. Un bruit blanc, on peut simplement essayer de mettre un bruit blanc, hein. Hop, un bruit blanc, c'est facile à faire. Hop, à partir de là, on crée une piste, on met une note, on s'en fout laquelle. Hop là, sur toute la piste. Et on va lui mettre ce plugin qui est massive. Et à lui, on va mettre noise. Voilà, on va tout enlever. Hop, poussière, les modulations, les filtres, lampe, on le garde. Et normalement, ça nous fait un bruit blanc ici. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, c'est que déjà, on va lui mettre de la reverb et du delay à burn. Et on va lui mettre un effet, l'autofilter. En gros, c'est un passe-bas. C'est un passe-bas, c'est-à-dire qu'il fait, il ne garde que les fréquences basses, selon comment on le règle. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le régler pour il laisse passer que des fréquences très basses au début et de plus en plus fortes ensuite, et ça a donné ça. Donc, il y avait un petit doom que j'aimais bien, je sais pas d'où vient. Je vais remettre ça. Dupliquer, on va le mettre hop. Ici. Zoom, voilà. Hop, lui, on va lui enlever par contre. Tous ces effets, on va reprendre un peu de zéro, parce que sinon j'ai peur que ce soit un peu relou. Voilà, par exemple le volume. Hop, les automations de volume, on va enlever. On va lui garder un peu de reverb quand même, le pauvre. Hop. Et par contre, le volume, on va le baisser. On va mettre ça à fond pour l'instant pour que tout soit bien plat. Et par contre, on va baisser tout le volume d'un coup comme ça. Je veux que ce soit encore plus loin. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Et le reste? Mais il me le faut un peu plus longtemps ce vide. Donc je vais créer silence. On va mettre 2 pour voir. Je sais pas, c'est beaucoup trop de. Créer silence, on va mettre 2 ici. Voilà. Et ça donne. Hop, lui il va aller jusque là. Et on va faire monter. Le filtre petit à petit, je le filtre, j'ai dit voilà ça jusque là. J'ai eu un autre bout, mais je ne sais pas pourquoi. Où est-ce que ça sort? Ah, c'est parce que c'est ça qui revient. Ah ben vous savez quoi, on va essayer de faire un truc comme ça. Boum. En fait, quand le volume remonte, du coup, le résidu du dom, il revient et j'aime bien en fait. J'aime bien. Et du coup, on va essayer de faire ça plutôt. Là, on expérimente un petit peu, hein, on m'en voulait pas. On expérimente un petit peu. Hop, hop, hop, hop, hop. Voir ce que ça donne, je suis curieux. Si je coupe complètement le volume ici, sur le volume là, hein. Non, il est pas là. Si je coupe complètement, oui, c'est ça. Si je coupe complètement le volume jusque là, est-ce que ça marche quand même? Ça marche! Ça marche, c'est pas mal. Du coup, on n'a pas l'attaque de la percu. On n'a pas l'attaque de la percu, on a que le boum qui arrive derrière et je trouve ça plutôt cool. Et ça marche pas mal! Je suis content d'avoir trouvé ce petit truc là, tiens. Je vous le dis. Combien de temps il nous reste? 10 minutes. 10 minutes. Il faut trouver un nom, hein. Attention, il faut trouver un nom et une fin. Il faut trouver un nom. Qu'est-ce qu'on met comme fin? Est-ce que vous avez des idées pour la fin? J'ai envie de mettre une guitare électrique mais ou un truc comme ça mais ça va faire moyen par rapport à la chanson, enfin au morceau. Le doublé, un gobelin. Non, il n'y a pas de gobelin, je suis désolé. Je t'ai envoyé un WhatsApp avec un exemple sur Twitter. Et j'ai coupé mon portable pour streamer, je coupe. Et je suis désolé, il va falloir passer par là. Parce que j'ai la musique depuis le portable en fait. Presque trop. J'ai envie d'essayer encore un petit truc. Pitch proof, c'est ça, ouais. J'ai envie de descendre ce bruit blanc. Alors c'est un bruit blanc, normalement c'est pas censé descendre. En plus j'ai mis plus 12. C'est censé avoir partout pareil, donc pas sûr que ça change quelque chose, moi aussi. Ouais, ça change rien. C'est pas grave, c'est pas grave. Ouais, sinon, enfin, c'est finir sur ta percu, boum, et ça réverbe. Ça va être trop tard pour cette prod, de toute façon, mais c'est pour que tu vois plus tard. Ok, ça marche. Mais en fait, là, il y a deux fois cette partie-là. Sur la deuxième partie, j'aimerais rajouter encore un truc. Maintenant, là. Ouais, bon, c'est quoi, on fait ça. Allez, allez, c'est parti, on se chauffe. Essayez de trouver une mélodie un peu simple. C'est nul. Le gobelin qui chante. Non, on l'arrête avec le gobelin. Il n'y a pas de gobelin cette fois-ci. Je suis désolé, mais il n'y aura pas de gobelin. Désabonne-toi si tu veux. Va falloir retourner un peu sans vouloir être désagréable. Ouais, je sais, mais pas trop le temps là. 6 minutes, 6 minutes, allez. Ouais, chier, je t'en prie. Je pense que c'était un peu dégueu et en plus ça n'a même pas enregistré. Tu veux pas le faire au synthé? Si! Je peux le faire au synthé mais je suis encore plus mauvais au synthé. Tu commences ça, allez. Je sais pas, il est au synthé. Allez, tu sais quoi, t'as raison, on va le tenter au synthé. T'as raison, allez, on s'en fout, on est des gotins. Un truc comme ça, ouais, c'est simple et efficace. Faut que je le trouve. Transforme ton sample en MIDI, gain de temps. Mon sample de voix, tu crois? Attends. Bah, avec ces trois notes, je pense à moyen de faire un truc. Je le tente, je le tente, je suis un dingue lingo. C'est pas exactement ça, mais on va pouvoir bouger un petit peu. Hop. Juste le mettre en... On va voir. Allez. Comme ça, tu pensais, Seb, pour la fin? Là, pourra faire un truc comme ça. Plus après, attends. Comme ça? Ça j'arrive pas à vous suivre. Lien, transcendant ton sang en midi, gain de temps. Réfléchissez au titre, oui, Positive Invasion. Positive Invasion, ça finit sur une note un peu tenue qui fade doucement. On peut essayer ça, Martin dans l'espace, pas mal. Goblin arrive, j'ai plus que 20 secondes. Hop, allez, on va essayer la note tenue sur la voix. Zéro! On est pile. Là, je peux plus rien toucher. Mais je crois qu'on est pile. On va rester sur Martine dans l'espace. C'est pas mal, Martine dans l'espace. Ah, c'est Martine qui vient de l'espace. En fait. Désolé, Brise Attack, j'ai vu ton truc de transformer le simple en MIDI. Alors, je sais que c'est possible, mais j'avoue que je l'ai jamais fait. Et je sais pas si vraiment il capte les différences de notes ou si juste à chaque fois que je fais un truc différent, il fait un nouveau son différent. Je suis pas sûr de ça. On s'écoute ça, on s'écoute le tout. Et après je vais l'enregistrer. Hop, pardon, j'ai oublié de refaire ça. Je vais l'enregistrer ensuite. Et donc vous trouvez un nom. Je vous rappelle que c'est entrée atmosphérique des aliens du vaisseau alien. trouve que c'est pas mal. Tu gardes ton MIDI, tu mixes pas un audio. Oui, je garde tout en MIDI, je mixe en MIDI parce que de toute façon derrière le MIDI, bah, il me sort un son, mais derrière rien m'empêche, tu vois, de ici de mettre des compresseurs, tout ce que je veux, etc. Si ta question c'est est-ce que je sors tout en audio et qu'après je le mixe, non, généralement je fais directement sur Ableton comme ça. Mais ça m'est arrivé de tout sortir pour mixer ensuite sur Pro Tools. Parce qu'effectivement Pro Tools pour mixer c'est vachement plus simple que Ableton, c'est bien pour créer plutôt. Mais dans ce cas-là non, de toute façon on n'a pas le temps. Voilà, on est à zéro, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que vous en dites? Je suis assez content, c'est pas mal, c'est la grosse basse là, grosse basse, elle est vraiment cool. Celle-là je pense. Elle fait, c'est ça qui fait Alien. Mika, je sais pas si t'es toujours là. Si ça te parle, ouais, c'est effectivement mieux. T'avais raison de dire ça. Ça manque de gobelins. Le gobelin, c'est lui qui conduit, ok. C'est lui qui conduit le vaisseau. Voilà. Le gobelin, il est là quelque part. T'inquiète pas. On l'entend pas, mais il est là. Ben voilà. Je crois qu'on est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? On va faire un petit bilan. Alors, je vais mettre la musique. Je vais être sûr que ce soit de la musique que les copains m'ont prêté, parce que sinon ça va gueuler. Hop, voilà. Je viens de finir les deux sons de Foundation, ça me rappelle la musique qu'il y a dedans. Ah ouais, possible. J'ai regardé aussi Foundation, c'est super chiant. Le nom français c'est Foundation, c'est pas Fondation quoi. Le nom français de la série, c'est complètement con, comme s'il y a besoin. Et c'est vrai que la musique était cool, mais la série, je suis un peu mitigé sur la série. Je trouve que ça fait très Doctor Who. Très Doctor Who, je sais pas, Doctor Who, il y a un côté plus cheap que ça, quoi. Là, ça fait vraiment énorme invasion. C'est la preuve la plus propre depuis le début, je trouve, malgré l'absence de gobelins. c'est parce que, déjà, bon, le thème forcément implique quelque chose d'un peu plus propre. Et puis quand c'est du MIDI, forcément. Nous on peut le mixer effectivement le MIDI, mais c'est déjà quand même plus ou moins mixé pour que ce soit déjà ultra propre à la base. C'est l'adaptation des Isaac Asimov, ouais, c'est l'adaptation des Isaac Asimov, sauf que je sais pas où t'en es de Isaac Asimov, mais les bouquins ont pas du tout le même format. Pour celles et ceux qui n'ont pas lu les deux premiers bouquins, je crois c'est presque des livres d'histoire, donc il y a des élans d'ellipse, alors que les deux derniers, je crois que ça suit le même personnage principal, donc assez difficile à faire un truc cohérent. Et du coup la série est cool, moi j'adore l'idée de l'empereur éternel qui se clone lui-même, tout ça, l'acteur Li Pei, c'est génial. Mais je suis un peu plus mitigé sur il y a des longueurs, c'est un peu truc, voilà. Mais la saison 2 mieux que la première, j'ai l'impression. Le thème était pas obligatoirement plus propre, mais Mathien aime trop ça pour faire un truc sacrilège avec les aliens. C'est pas faux du tout. Et attends, ça va, les deux derniers c'était du punk, donc forcément punk, on fait un truc un peu dégueu. Le premier c'était on avait parti sur un truc metal de Noël, donc voilà, là il fallait un truc massif quoi, donc il fallait vraiment faire un truc méga massif, et je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal sur le thème. La rythmique irrégulière, ben 7-4, ça amène ce petit côté un peu incertain qui n'était pas forcément amené par les accords. Les accords, c'était quand même assez joyeux, assez cool, tout ça. Mais c'est pas mal. Mon préféré, c'est le dernier, Terre et Fondation. Ouais, alors sans spoiler, c'est quand il retourne sur Terre. Hop. Bon, voilà, c'est déjà un peu spoilé dans le titre, mais parce que ça se passe dans le futur, Fondation, hein. Le notre futur à nous, comme Dune d'ailleurs. Dune aussi ça se passe dans notre futur à nous, pas comme Star Wars ça se passe pas du tout dans notre futur à nous. Je vais devoir reprendre alors. Ouais, vas-y, en vrai moi aussi je suis assez d'accord avec Braze Attack. Les derniers sont déjà, c'est vachement plus digeste, tu suis vraiment des personnages sur tout le truc, donc c'est vachement plus digeste, alors que les premiers tu suis des personnages et puis d'un coup t'as une hélice de 300 ans, donc forcément ils sont morts, tout ça. Mais ouais, et puis c'était assez cool. Il y a des idées vraiment cool sur les derniers fondations. Voilà, on va pas en dire plus, on spoil pas. Mais fondations cool, vraiment cool. Et la série, c'est quand même un peu difficile. Braze Attack, je sais pas si t'as vu la série. Moi, je suis moyen chaud, voilà, moyen plus, on va dire. c'est quand même cool à regarder. Il y a quand même des bonnes idées. Voilà, encore une fois, l'empereur qui se clone lui-même, c'est génial, quoi. Puis l'acteur est flippant. C'est le même acteur que le père de Legolas dans le Hobbit. Donc il est très ultra charismatique, très flippant, très le mec il est très grand en plus, donc il a l'impose de taquer. Donc voilà, bref, les accords, ben on a carrément réussi les accords, hein, on a utilisé que ça d'ailleurs. La technique rythmique régulière, pour moi, c'est validé. Entrée atmosphérique du vaisseau, Lien, j'avoue que c'était un peu compliqué. Puis, heureusement, Mika était là pour nous remettre sur les bandes rails. Faudrait commencer la série par les robots, en fait. Ouais, parce qu'effectivement, les robots, ça se passe... Donc, il y a un film, iRobot, avec Will Smith, qui est pas terrible, mais c'est Isaac Asimov. Et donc, le Fondation, ça se passe dans le futur... De ce futur là aussi, mais je crois qu'il a fait après, quoi, qu'il a commencé Fondation et après il s'est dit tiens, et si en plein milieu de truc, et si je reliais ça à iRobot et tout ça. Donc bof, pour moi c'est pas forcément obligatoire. On verra comment ils s'en sortent à la fin, on verra ça. Contexte, voilà, gna gna. Pour la validation de la musique, je disais ça, le mec il est juge et parti, je sais pas, c'est très objectif. Alors, c'est pas faux. Et donc, bon, voilà quoi. Les robots sont dans des centaines d'années, des milliers d'années à Fondation. Je crois que Fondation ça se passe quelque chose de 10 000 ans après aujourd'hui, alors que iRobot ça se passe quelques dizaines d'années après seulement. Voilà! Ben, je trouve qu'on est pas mal, merci beaucoup d'être venu, merci beaucoup Braze Attack de nous avoir suivi. J'imagine que tu es breton, bretonne, je ne sais pas, en tout cas c'est cool. Si t'as des idées pour les prochaines fois, tu reviens tous les lundis, tous les mercredis à 10h, on fait un truc comme ça. La dernière fois on a fait du punk, la fois d'avant du ska punk sans batterie, ça c'était chaud. Et la toute première fois, on a fait du... Le thème, c'était Freddy, Jason et Michael Myers, sauf que les accords étaient hyper joyeux. Donc on est parti sur truc. J'ai pas Discord. Attends, hop. J'ai Instagram, si tu veux. Hop, il faut que je le fasse bien. J'ai Instagram, j'ai pas encore le Discord. J'avoue que je suis pas sûr du Discord, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'en faire un. Si ça marche, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Ah ben voilà, merci Gwen, l'avait fait avant. Musicien breton, trop cool, trop bien. D'ailleurs, reste avec nous parce que bientôt va y avoir. On est en train d'organiser avec la radio pour laquelle je travaille un défi qui s'appelle Badoum 48, dans laquelle vous aurez 48 heures pour composer une chanson, et ça sera uniquement en basque, en occitan. Ou, et là ça te parlera peut-être, en breton ou en gallo, enfin et en gallo et en breton, etc. Et donc si t'es dans le coin, ben, tu vas pouvoir participer aussi et ça va être cool, quoi. Si le secret, on va rajouter dans les liens, ouais absolument, mais j'avoue que pour l'instant le Discord, je sais pas trop, est-ce que ça vaut le coup d'en faire un, bon je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit très utile, bon on verra bien. J'avoue que moi j'utilise pas beaucoup Discord, donc je sais pas, mais vous me dites. En tout cas, merci beaucoup, on se retrouve lundi. Cette chanson-là, je la mets en ligne. Les replays, pareil, en ligne. Ça coûterait d'en faire un, c'est pas faux. Cette chanson-là, donc, je la mets en ligne, normalement. Spotify, ça arrive assez vite, genre le lendemain. YouTube, ça arrive très très vite dans la journée. Et Apple Music, tout ça, c'est un peu plus tard, mais tout vient à point qui sait attendre. Les replays sur YouTube, sur Twitch, évidemment, et sur Spotify. Les chansons sur YouTube Music, très très vite aussi. Et voilà, nous, on se retrouve lundi à 10h pour un nouveau morceau à la con. Et voilà, on va se quitter sur ça. Merci beaucoup tout le monde d'être venu et on se retrouve comme on a dit lundi et je vous quitte en chanson. Merci beaucoup tout le monde, salut !